chronique, vous remarquerez mes efforts pathétiques. Et vain pour garder mes paupières ouvertes. Mais il n'y a rien à faire, je demeure inerte. Dès la première seconde d'inactivité, je me sens rattrapé par cette fatalité. Mon corps s'évanouit, s'évapore dans l'air, devient rapidement volatile comme l'éther. Sur un sol de coton, je cours insouciant. Après ce qui sans cesse occupe mon inconscient, je retrouve les moments clés de mon existence sous forme d'images floues et d'émotions intenses. S'agit-il d'un rêve? De la réalité. Aucune anomalie n'arrive à m'aiguiller. Spectateur attentif, passif et patient, je ne maîtrise rien, je me sens omniscient. Presque tous ces voyages tomberont dans l'oubli, mis à part les plus mauvais et les plus jolis, qui me remettent en tête ce que j'ai détesté, redouté, regretté, désiré et aimé.